Document 3, page 35. 1. Je sors avec toi et ton mari. 2. Tu vas chez David. 3. Il va au cinéma avec ses amis. 4. Il voyage avec ses filles. 5. Je pense à Lucie. 6. Tu viens avec mon frère et moi? 7. Je dîne chez mes parents. 8. Je travaille pour mon père.